l'image du feu dans mes rêves qui n'était plus que braise, finement recouvert de cendres grises. Toi tu allais à la dérive, il était pourtant facile et encore temps de le rendre plus ardent. Plus ardent, de le raviver et d'en faire jaillir la flamme, mais ton visage disparu dans les nuages, parce que frustré, j'ai dû m'exiler, je devenais fou allié, ayant en pure perte, bataille livrée, je me suis désagrégé, ma vie de chien, errant et solitaire, résulte de regrets et de misère. J'en ressens une vive douleur de vivre ma vie sans couleur. J'en ressens une véritable terreur, que même dans mes yeux j'y vois la peur. Rentrant chez moi, troublé par les mois et le vide de cet endroit, le cœur serré de cette inquiétude, de la pénible servitude, je prie le diable de franchir la porte, j'en appelle pour qu'il emporte. Je prie le diable de franchir la porte, appelle pour qu'il emporte. Je prie le diable de franchir la porte. J'en appelle pour qu'il emporte. Mes âmes mortes, la tête dans les mains, avec mon destin, seul avec mon chagrin. De tous ces jours gris, j'en deviens aigri, une immense tristesse m'envahit. Je tombe et glisse, à genoux sur le sable, le visage dans l'écume laissé par les vagues. Je glisse et tombe, à genoux sur le sable, étouffant, écumant de bave. Sur le sable, comme le taureau vaincu par la lame, porté à l'âme. Je glisse et tombe à genoux sur le sable, comme le taureau vaincu par la lame, porté à l'âme.